Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues Covers. I want you back again. I want your love again. This time is different. Darling, you're safe. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You said we're through before you walked out on me before. I tried to tell you, but you didn't want to know. This time you're different, and determined to go. Les Rolling Stones en 1964, Tell Me You're Coming Back. Pourquoi ce titre ? Parce que c'est le premier morceau composé officiellement et paru sur leur premier album par Mick Jagger et Keith Richards, sans S à l'époque, Richard, et non pas Richards comme maintenant. Bref, sur ce premier album, une grande, grande révélation en 1964, une pochette extraordinaire, il n'y avait même pas le nom du groupe. Il fallait retourner le disque pour découvrir leur nom. Et alors, ces gueules d'anges ou de démons, comme on veut, c'était extraordinaire. Moi, ça m'a fait un choc. J'ai acheté ce 33 tours sans même l'écouter. Je suis rentré chez moi, je me rappelle, un samedi midi. Et puis, j'ai écouté ça dans ma chambre et c'était divin. Ce disque nous a permis, à nous, petits Français, blanc-bec, de découvrir le blues par l'intermédiaire des groupes anglais, comme donc les Rolling Stones, car sur ce disque, il y a de nombreuses, il n'y a pratiquement que des blues, avec aussi un rock aux carols de Chuck Berry, mais surtout des blues, Honest I Do, Route 66, etc., etc. Et puis ensuite, le duo a continué à composer des titres de plus en plus fameux, de plus en plus élaborés, avec de plus en plus de tubes, même s'il s'éloigne un petit peu du blues, pur et dur. Bref, un blues covers consacré aux Rolling Stones, leur composition interprétée par des groupes de blues français. On va commencer avec un groupe du Nord, Back to the Roots, un groupe plutôt acoustique, trio ou quatuor, ça dépend des époques, qui existe depuis une vingtaine d'années, puisque leur version de Honky Tonk Woman est parue en 1999. Back to the Roots. I met a gypsy bar in Greenville, Memphis. She tried to tell me herself for a lie. She had to weave me around across her shoulder, 'cause I just can't see to drive you off my mind. Yeah, the honky tonk woman, give me the honky tonk blues. See in New York City, I had to pull out some kind of a fight. Then I deal the empty cover with me in roses. She blew my nose and then she blew my mind. Give her all, kill the criminal. Give me like a tongue blue. C'était Back to the Roots. Et comme eux, voici un autre groupe qui a gagné le tremplin blues sur scène il y a fort longtemps, c'est Matisse and the Mathematics. Ce groupe n'existe plus, maintenant Matisse chante sous son propre nom, c'est-à-dire Matisse Haug. Mais en 2005, Matisse and the Mathematics nous propose une version lourde et mystérieuse de Jumping Jack Flash. I was born in a crossfire hurricane, and I howled at mama in a driving rain. Oh, c'était bon ça. Matisse and the Mathematics en 2005. Et puis encore avant, il s'appelait Matisse and the Mathematicals. Enfin bref, maintenant c'est Matisse Haug. Et ce groupe nous venait du Languedoc-Roussillon, de la région de Nîmes. Vous êtes à l'écoute d'un Blues Covers consacré aux Rolling Stones. Maintenant, on va passer à un style un peu plus country blues avec un groupe normand de la région de Rouen, Skiffle, rendez-vous avec leur version de Let It Bleed en 2009. You can lean on me. c'était Skiffle Rendez-vous. Et maintenant, on passe à quelque chose de beaucoup plus électrique, puisque ce sont les Chic Tips de la région lyonnaise. Un groupe de pop blues, comme je l'ai déjà défini. Leur album Alabama Blues est très original, non pas simplement parce qu'il est paru en 2012, mais surtout parce que c'est un CD, mais c'est aussi un bouquin écrit par Marivonne Ripper qui raconte les aventures d'un jazzman américain qui se retrouve à Lyon. Et puis aussi, l'année d'après, en 2013, ils le sortent en vinyle. Alors vous vous rendez compte, un CD, un vinyle et un bouquin. Les Chic Tips, Jumping Jack Flash. C'était les Chic Tips. Et nous abordons la fin de ce Blues Covers consacré aux Rolling Stones avec une reprise de Sympathy for the Devil par Louis Bertignac. C'était en 1998. Il a publié un double CD live et avec même une partie multimédia. Et c'était assez marrant à l'époque, c'était quand même les débuts du multimédia sur les CD. On ajoutait une petite partie, soit vidéo, soit CD-ROM avec des jeux, des choses comme ça, qu'on développait sur nos petits Macintosh. Et on avait échangé quelques astuces et quelques mails à cette époque, aujourd'hui révolue du multimédia sur CD-ROM. Bertignac, Sympathy for the Devil en 1998. Bye bye et à la prochaine. Please allow me to introduce myself. I'm a man. Oh. well in taste. I was around when Jesus Christ at this moment of doubt and grace. I've been around for many long years, so many men with solid faith. I made them sure that pilot what she say to see this way. Oh yeah, and I'm pleased to meet you. I hope you get some of my name. The best thing in you is the nature of my game. Oh yeah. I stuck around St. Petersburg when I saw it was time for a change. I killed the Tsar and his ministers and the stage, yeah, the screaming pain. I hope you guess my name. Alright. But what's abusing you is the nature of my game. Alright. Yeah, yeah. Alright. Okay, on. Okay, on down. I feel alright, I feel alright. Oh, do you feel alright? Well, I wanna know, I wanna know. It's just how I see. Oh, quoi? Oh, ouais. Est-ce que le diable est parmi vous? C'était l'émission Blues Covers. Bonsoir.